écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis, que la grâce et la vérité vous soient pleinement accordées par le Seigneur Jésus-Christ. Ne ratez pas l'enlèvement imminent de l'Église. Je suis Abanga Onana. Le mariage selon Dieu, un homme, une femme, tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 8 et lisons à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Tous les chrétiens ne sont donc pas les véritables chrétiens d'après ce passage biblique que nous venons de lire. Marc chapitre 5 à partir du verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. » Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Merci Seigneur Jésus. Le 26 juin 2013, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique publia une ordonnance qui octroyait à tous les gays qui se marient légalement dans leurs États respectifs les mêmes bénéfices fédéraux qu'aux couples mariés selon le mariage normal homme-femme. En mi-juillet 2013, la reine d'Angleterre légalisa le mariage gay. Dans le monde, au moins 15 autres nations ont déjà légalisé le mariage gay. Il est évident que la définition du mariage est en train de changer avec le New Age. Mais un gouvernement a-t-il le droit de redéfinir le mariage divin alors que ce dernier est déjà, dès le commencement de l'humanité, institué et défini par l'autorité suprême d'hier, d'aujourd'hui et de demain? Dans Genèse 2, Dieu déclara qu'il n'est pas bon que l'homme, Adam, le premier homme, soit seul. Et les animaux n'étaient pas seuls, ils étaient mâles et femelles. Alors Dieu, dans un acte spécial de création, forma la femme. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Il n'est pas dit, Jean et Grégoire étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Suzanne et Gisèle étaient toutes deux nus et elles n'en avaient point honte. Mais il est bien écrit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Le jardin d'Éden était donc la scène du premier mariage ordonné par Dieu lui-même. Il s'agissait là du standard par lequel tous les autres mariages futurs étaient définis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce passage biblique nous donne plusieurs points pour comprendre le design de Dieu pour le mariage. D'abord, le mariage implique un homme et une femme. Le mot hébreu traduit par femme dans ce passage est associé au genre féminin. Il n'y a aucun passage dans les Écritures qui mentionne un mariage entre des humains impliquant autre chose qu'un homme et une femme, un mâle et une femelle. Le second principe dans ce passage de Genèse 2 sur le design de Dieu le Créateur pour le mariage est que le mariage dure à vie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le troisième principe que Genèse 2 nous donne sur le design de Dieu est la polygamie. Les mots hébreux homme et femme sont au singulier et ne permettent pas d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Même comme certaines personnes dans la Bible ont eu plusieurs femmes, il est clair que le principe de Dieu pour le mariage est la monogamie. C'est pour cela que ces personnes polygames ont eu des maux, des scandales, des tourments que ceux monogames n'ont pas eu. Matthieu 19, verset 4. Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Il n'est de surprise pour personne que le monde et son prince désirent et font tout pour changer tout ce que Dieu a institué. Toute vie ou toute pensée gouvernée par la chair est hostile à la pensée divine, c'est-à-dire à Dieu. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Avis à tous mes amis homosexuels et pro-homosexuels. Même comme le monde tente bec et ongle à pourvoir leur définition dans ce qu'ils appellent mariage, la Bible demeure la seule vérité, la parole de Dieu qui ne passera point. La seule définition du mariage est l'union à vie d'un homme et de sa femme. Selon la Cour suprême du Créateur de toutes choses, celui-là à qui nous rendons tout compte et devant qui tout genou fléchira, le mariage homosexuel n'en est pas un. Selon les cours suprêmes de certains pays dits plus développés et plus civilisés que Dieu, et qui traduiraient certainement Dieu un jour en justice, si elle mettait la main sur lui, leur définition du mariage n'en fait pas une aux yeux de Dieu. Il n'y a qu'un homme et une femme qui peuvent s'unir dans l'institution divine du mariage. C'est cela l'union, le mariage que Dieu a institué et joint dès le commencement à Éden. Toutes les cours suprêmes humaines peuvent légaliser les unions conjugales entre les personnes de même sexe ou entre les humains et les animaux. Cela n'engage que eux seuls. Mais le mariage, cette institution divine créée par Dieu, illustrait déjà dès le commencement la relation entre Christ et son épouse, l'Église. Et aucun de nous ne peut redéfinir impunément la relation entre Christ et son Église, juste parce qu'il veut plaire à sa chair, au monde, au gouvernement mondial ou à Satan. Aïe, aïe, aïe. L'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous montre tous les jours des êtres humains gays, c'est-à-dire homosexuels, et non gays, changer de mentalité et de raisonnement, se repentir et se convertir à Christ pour devenir de nouvelles créatures, parce qu'une perspective nouvelle et divine leur est offerte. Voici cette perspective nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ vous offre à travers ce message, par ma modeste personne. De nos jours, les hommes sans Dieu, qu'ils confessent pourtant du bout des lèvres, ont entrepris de dépénaliser et de permettre tout ce que Dieu le Créateur a pénalisé et interdit. Cela ne devrait surprendre aucun vrai chrétien, d'après 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 6, qui nous dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes seront ingrats, égoïstes, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que nous vivons. Dans 2 Timothée 4, à partir du verset 1, nous lisons, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » C'est ce que nous faisons en ce moment par la grâce divine. Reprends, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, celui où nous sommes, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Jésus-Christ est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Cela n'est donc pas une surprise pour les croyants de la Bible, en ces temps de la fin, de voir les multiples cours suprêmes des pays séculiers légaliser l'homosexualité, le lesbianisme et les mariages gays. Dans Lévitique 18 au verset 22, nous lisons ceci. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ce n'est pas Abangonana qui le dit. Ce n'est pas ma secte qui le dit. Mais c'est le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Romains 1, verset 26, nous disons, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même que les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. C'est Dieu qui parle. En recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Ils ont tous des diplômes d'ingénieurs pour produire le mal. Ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dire de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Gouvernement mondial à l'œuvre. Aïe, aïe, aïe. La trompette de l'enlèvement va sonner dans bientôt. Pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne extirper son Église, les vrais croyants, les vainqueurs de ce monde corrompu, vendu au péché et mûr pour le châtiment et la condamnation. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, nous dit ceci, dans la version Parole de vie. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Vous ne savez donc pas cela? Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec des jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Tous ces passages bibliques que nous vous lisons montrent, pour ceux qui croient encore que la Bible est la seule parole infaillible de Dieu, tous ces passages, donc, nous montrent clairement que les mariages gays ne sont pas la volonté de Dieu le Créateur, mais celle du serpent ancien du puits Éden, une abomination. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit que les hommes ne peuvent pas coucher avec d'autres hommes, les femmes ne peuvent pas coucher avec d'autres femmes? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, rien ne vous arrivera si les hommes couchent avec d'autres hommes ou si les femmes couchent avec d'autres femmes. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Sans commentaire. Voilà la carte postale que j'envoie à tous mes amis gays et à tous leurs sponsors. Partout où la Bible parle d'accouplement d'animaux ou de relations sexuelles et de mariage entre humains, il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Plusieurs autres passages contiennent des instructions divines sur le mariage, l'identifient comme une union ou une communion spirituelle, intellectuelle et physique entre un homme et une femme, tel que 1 Corinthiens 7, du verset 2 au verset 16, et Éphésiens 5, verset 23 à 33. Bibliquement parlant, le mariage est donc une union à vie entre un homme et une femme, premièrement pour bâtir une famille selon le modèle divin, et ensuite pour générer un environnement stable et procréateur pour cette famille. Ceci est impossible dans le mariage gay. Même les animaux savent qu'ils ne peuvent jamais procréer si les mâles vont avec les mâles et les femelles avec les femelles. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Comment Grégoire et Jean peuvent-ils être féconds et multipliés? Et puis, nous ne nous basons pas seulement sur la Bible pour comprendre le mariage divin. Mais, dans la suite de la logique biblique, même l'histoire humaine est contre le mariage gay. Parce que même la psychologie séculière antique ou moderne reconnaît que les hommes et les femmes sont psychologiquement et émotionnellement désignés pour être complémentaires les uns les autres. Concernant toujours la famille, les psychologues affirment que l'union entre l'homme et la femme est le meilleur environnement pour élever des enfants bien équilibrés. La psychologie est donc contre le mariage homme-femme ou femme-femme. Et puis, même naturellement, les hommes et les femmes sont créés pour s'ajuster sexuellement et physiquement. C'est pour cela que, même en électricité ou en électronique, nous parlons de fiche mâle et de fiche femelle. La fiche mâle ne peut s'ajuster qu'avec une fiche femelle. Et tous les techniciens dans le monde entier s'accordent avec cela, sans que nous ayons à consulter nos cours suprêmes et séculières, qui ont presque toute l'apparence de la piété, mais réunis ce qui en fait la force. Concernant le but naturel de la procréation, aucun de nos amis homosexuels ne serait venu dans ce monde si ses parents avaient été des homosexuels. Quand Abraham et Sarah, ou Anna, la mère de Samuel, ou le père et la mère de Jean-Baptiste voulaient leur premier enfant, ils n'ont pas demandé à Dieu d'exaucer leurs prières pendant qu'ils s'accouplaient avec leur conjoint de même sexe qu'eux. Même la nature est contre le mariage gay. Ainsi donc, si la Bible, l'histoire, la psychologie et la nature sont contre le mariage gay et défendent le seul et le vrai mariage entre un homme et une femme institué par Dieu, pourquoi donc cette controverse arrogante de nos jours sur le seul et vrai mariage? Pourquoi donc de nos jours tous ceux qui sont contre la perfection du mariage, qui sont contre l'homosexualité, sont-ils taxés par le New Age d'être des intolérants, des discriminateurs et des gens de haine? Pourquoi le courant gay, si minoritaire dans le monde, démocratie oblige, force-t-il et bouscule-t-il et est-il si agressif de nos jours, alors que toutes les couches des populations dans le monde, les religieux et les non-religieux, les éduqués et les non-éduqués, les riches et les pauvres, les différentes races, sont contre cette abomination qu'est le mariage gay? La réponse, selon la Bible, se trouve dans Romains 1, à partir du verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Aïe, aïe, aïe. À bon entendeur, repentons-nous. La vérité est rejetée et remplacée par le mensonge. C'est tout ce que le monde, la communauté sans Dieu dite internationale, s'active à faire nuit et jour. Le mensonge est promu nuit et jour au nom de la vérité, pendant que la vérité est supprimée, mise en ballotage, attaquée et censurée. La véhémence et la colère exprimées par les gays contre tous ceux qui s'opposent à eux est en effet une indication qu'ils savent que leur cause est perdue et indéfendable. Faire tout pour gagner une position de vaincu en élevant nos voix plus que celle des vainqueurs est une bêtise et une option de parvenir au pouvoir par un coup d'état, parce que nous savons que par des élections justes et régulières, nous en sommes incapables. Romains 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sensé réprouvé pour commettre des choses indignes. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Et parmi eux, nous avons de grands prêtres, de grands pasteurs, de grands évangélistes, de grands bishops, de grands révérends, des papes, des souverains pontifes, des apôtres, des super hommes de Dieu. Quelle déroute, quelle confusion, quel mensonge sublime, quel déguisement diabolique. Seigneur Jésus, aie pitié de nous et viens bientôt afin qu'on sache qui est qui. Matthieu 19, verset 4, Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Aujourd'hui, les hommes sans Dieu, séduits par le serpent ancien, séparent tout ce que Dieu a joint et en même temps, ils unissent tout ce que le serpent a joint. comme les autres péchés tels que la magie, le cannibalisme, les meurtres, les crimes contre l'humanité et les génocides, l'homosexualité et le mariage gay sont des perversions, une offense, une insulte, une rivalité et un blasphème contre Dieu, le créateur de toutes choses et le créateur du mariage et de ses fossoyeurs. La Bible ne décrit donc pas l'homosexualité comme un péché plus grand que tous les autres péchés. Tous les péchés sont une offense à Dieu. Le péché originel d'Adam et d'Ève, par lequel le monde fut ruiné, n'était pas l'homosexualité. Mais dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu châtie certains péchés plus violemment que les autres. L'homosexualité est parmi ce genre de péchés. Oui, aucun homosexuel, aucune lesbienne n'a la vie éternelle. Mais les autres pécheurs, dont homosexuels ou lesbiens, qui ne se repentent pas en avouant leurs transgressions et en les abandonnant au nom de Jésus-Christ, iront aussi dans le même enfer éternel que tous les homosexuels non repentants. Exode 21, à partir du verset 15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. En nous appuyant sur ce passage et sur celui qui suit, nous comprenons que plusieurs parmi nous sommes des condamnés à mort dont l'exécution est mise en veilleuse ou annulée grâce à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix et par sa résurrection des morts. Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez aussi la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Selon la Bible, le pardon, la miséricorde et la grâce divine sont disponibles pour tous les homosexuels. De même pour tous les adultères, les idolâtres, les magiciens, les pédophiles, les meurtriers, les incestueux, les Boko Haram, les impérialistes et les pilleurs des plus faibles. Parce que Dieu a réservé le salut, la force et la victoire sur le péché, y compris sur le péché d'homosexualité, à tous ceux qui décident de se repentir en croyant de tout leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, en renonçant à eux-mêmes pour ne suivre que lui seul tous les jours de leur vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En tant que des enfants de Dieu nés de lui par Jésus-Christ, nous ne devons pas tolérer le péché sous toutes ses formes. Mais avec amour, nous devons prêcher la repentance, le pardon des péchés, la miséricorde et la grâce de Dieu à tous, y compris aux homosexuels qui veulent revenir sur le bon chemin. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché, qu'ils soient homosexuels ou pas, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ézéchiel 3, verset 17, nous lisons. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, comme nous sommes en train de le faire en ce moment, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marque un mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà comment nous devons nous comporter envers les homosexuels et envers tous les autres. La violence des enfants de Dieu est une violence spirituelle et non une violence physique ou charnelle. Dieu a créé tous les humains à son image et non avec des désirs homosexuels. Parce que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et la Bible, la parole de Dieu nous dit que les personnes deviennent des homosexuels à cause du péché. À cause de leur propre choix. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui ressuscite les morts et en fait des vivants en Christ. Si ceux-là croient en lui, se repentent et se convertissent avant qu'ils ne quittent cette terre. Une personne pourrait même naître avec un grand penchant héréditaire à l'homosexualité, tout comme d'autres le sont avec un très fort penchant à la violence, à la fornication, à l'adultère et à d'autres péchés. Cela ne dépénalise pas cette personne si elle choisit par sa propre convoitise, si elle conçoit, enfante et consomme le péché. Si une personne est née avec une très forte impulsion à la violence ou à la rudesse ou à la jalousie, cela lui donne-t-il le droit d'en faire un mode de vie acceptable, toléré et subi par tous, juste parce qu'elle veut satisfaire ses désirs et ses passions charnelles? La réponse est évidemment non. Cette même vérité l'est pour l'homosexualité et pour tous ceux qui changent leur sexe d'homme en femme et de femme en homme. Deutéronome 30, verset 19. Dieu dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Dieu ne viendra jamais choisir à notre place, chers amis. Dieu met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le mariage gay et le mariage divin. À nous de choisir, mais il nous montre le bon choix. Choisis la vie, choisis la bénédiction, choisis le mariage divin, un homme, une femme, et non le mariage gay, et non la malédiction, et non la mort. Ainsi tu vivras. Mais il ne viendra pas faire le choix à notre place. C'est à vous et moi de choisir librement. Chers amis gays, vous avez choisi librement votre voie, mais il n'est pas encore tard. Vous pouvez vous repentir. Alors, un vrai chrétien peut-il être homosexuel? La réponse est non. Parce que les vrais chrétiens, d'après 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, sont ceux qui ont été lavés, ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été justifiés au nom de Jésus-Christ. Alors qu'avant cela, ils étaient aussi des injustes, des efféminés, des infâmes, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des outrageux et des ravisseurs. Et l'héritage du royaume de Dieu leur était interdit. Un chrétien peut subir toutes les tentations, mais un disciple accompli de Jésus, celui qui n'est plus seulement un enfant ou l'aime, ne peut pas être un fils de Dieu et en même temps un homosexuel. Ce n'est pas possible. 1 Jean 5, 18 nous dit que tous ceux qui sont nés de Dieu se gardent eux-mêmes et le malin Satan ne peut pas les toucher. Et 1 Jean 5, 3, 4 dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour eux. Parce que l'homosexualité ne consiste pas seulement à accomplir un acte contre nature, mais il est d'abord en nous par l'esprit qui nous anime et par les pensées et les convictions que nous avons. Parce que tel pense un homme, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Poser donc la question, un chrétien peut-il être homosexuel? Nous amène à poser aussi les questions suivantes. Un chrétien peut-il être un magicien, un drogué, un trafiquant d'ossements humains? Un chrétien peut-il être un cannibale, un pédophile, un violeur de femmes, un buveur de sang humain, un personnage qui sacrifie des humains et surtout des enfants pour offrir des sacrifices à Satan? La réponse est non. Et puis, ce ne sont pas tous les chrétiens dans et en dehors de nos églises qui sont convertis. Le simple fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ ne fait pas de nous des affranchis et ses vrais disciples si nous ne demeurons pas dans sa parole. Jean 8, verset 30 à 32. Nous sommes reconnus vrais chrétiens quand nous produisons sans cesse des fruits dignes de la repentance et les œuvres dignes de notre foi en Jésus-Christ, sans lesquelles notre foi sera morte et inutile, d'après Jacques 2. Parce que c'est à nos fruits que nous sommes reconnus et non à nos fonctions et autres titres religieux et non à nos multiples activités religieuses. Matthieu 7, à partir du verset 21, va plus dans le détail. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il s'agit du roc de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le seul fondement. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, à un gué qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais si un chrétien quitte ce monde pendant qu'il est dominé par l'homosexualité, le même sort qui arrive à tous les autres chrétiens qui quittent ce monde en tant qu'époux et épouse infidèle, garçons et filles fornicateurs non repentants, leur arrivera, qu'ils soient homosexuels ou pas. Parce que Proverbe 28 au verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » C'est la parole de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Qui nous tend encore la perche dans Actes 17 au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, qu'ils soient homosexuels ou pas, qu'il sait à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce don, il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Chers amis qui m'écoutez, que vous soyez homosexuels ou pas, la puissance qui nous délivre du péché est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, si nous croyons en lui. C'est cette puissance-là qui détruit la puissance de l'homosexualité et des désirs homosexuels et lesbiens en nous. Je suis à Banga Onana. Le mariage selon Dieu, un homme, une femme, tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. La vie du vrai chrétien est un parcours progressif et dynamique et triomphal sur les œuvres de la chair, sur les plaisirs du monde et sur les séductions du diable. Galates 5, verset 15 à 24. Il n'y a que ceux qui sont en Christ qui crucifient la chair avec ses passions et ses désirs. Malheureusement, l'ivraie et la bonne semence se ressemblent physiquement. Et la Bible ne donne aucun crédit à l'idée qu'une personne pécheresse et non repentante soit vraiment un chrétien. Il est donc impossible d'être un chrétien et homosexuel en même temps. Mais nous pouvons voir des anciens homosexuels qui se cachaient dans la religion et dans des églises se repentir, abandonner l'homosexualité et devenir vraiment des chrétiens. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Christ est mort pour les homosexuels parce que Dieu aime les personnes de toutes les orientations sexuelles, exactement comme il aime tous les pécheurs sans discrimination. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qu'il soit homosexuel ou pas. En Christ seul, nous trouvons la source définitive du salut. Guérison, restauration, pardon, paix, repos, assurance et confort. Nous vivons dans un monde confus et décadent. Et cette décadence étend ses tentacules partout, à un niveau où même les questions fondamentales telles que « de quel genre suis-je ?» deviennent très difficiles pour certaines personnes à répondre. Certaines personnes vont même jusqu'à affirmer qu'elles sont nées avec un mauvais genre. C'est pour cela que nous voyons des personnes à mentalité masculine ou féminine, mais dans un corps de femme ou d'homme. Voilà autant de pépinières ou de moules pour l'homosexualité et le lesbianisme. Un homme peut croire qu'il est en réalité une femme, alors que son âme est dans un corps masculin. Vous voyez que ses instincts sexuels ne seront amorcés et attirés que par les hommes. Le fondamental dans notre compréhension de la sexualité humaine est que Dieu n'a créé que deux genres humains, masculin et féminin, ou encore mâle et femelle. Les enfants qui grandissent dans notre monde confus sont bombardés par des messages de la confusion. De plus en plus, même dans les milieux scolaires, dans les milieux religieux, dans les romans, les dessins et les bandes dessinées, dans Internet, les petits garçons sont enseignés qu'ils ne sont pas obligés d'être des garçons et de se comporter comme des garçons. Et les petites filles, de leur côté, sont enseignées pareillement. Il y a même des bandes dessinées et des dessins animés qui montrent comment des jeunes petits princes vont se marier à d'autres princes et comment des jeunes garçons triomphateurs de la vie donnent des baisers à la bouche à leurs bien-aimés qui sont d'autres garçons comme eux. Vive le village planétaire sans Dieu et sponsorisé par le serpent ancien. Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces plus petits qui croient en moi, c'est Jésus qui parle. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est pour ça qu'à Banga, on n'en est pas scandalisé par les homosexualités et les mariages gays. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Avis à tous mes amis gays et à tous leurs sponsors dans le monde entier. Repentez-vous, Jésus-Christ vous aime. Et je vous bénis. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme et toute la création. Et il vit que tout cela était très bon, c'est-à-dire parfait. Genèse 1, verset 31. Et après la perfection de sa création, Dieu se reposa. Genèse 2, verset 1 à 3. Les mots tels que désobéissance, souffrance, ignorance, maladie, le mal, la méchanceté, la rébellion, la mort, l'incrédulité, l'athéisme, la zoophilie, le lesbianisme, le gay n'existaient pas encore. Mais quand le péché vint dans Genèse 3, avec la tentation du serpent ancien et de la chute de l'homme qui succomba à cette tentation, la perfection divine fut corrompue sur la terre et le monde naquit sous la direction de son prince, Satan, le serpent ancien, le gouverneur et recteur du gouvernement mondial et du nouvel ordre mondial. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ viendra pour faire toutes choses nouvelles, Apocalypse 12, verset 9 nous dit que le serpent ancien, Satan, le diable, le grand dragon, celui-là qui séduit toute la terre, il sera précipité et tous ses démons seront précipités avec lui. Nous savons donc que tant que le système mondial actuel, initié depuis la chute d'Adam à Éden, sera en vigueur, nous sommes impliqués de force dans un combat spirituel contre le nouvel ordre mondial et pour notre salut. Parce que ce monde déchu, avec à sa tête son prince, le tentateur, le séducteur, le menteur, le meurtrier, veut que tout se conforme à sa pensée et non à celle de Christ. C'est cela le nouvel ordre mondial. C'est pour cela que chaque croyant en Christ doit connaître, croire et vivre le passage biblique suivant, Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si chaque être humain sur la terre croyait et vivait ce verset que je venais de vous lire, les gays et les mariages gays seraient sans objet. Parce que Satan fait tout pour nous tromper en nous incitant à questionner le plan de Dieu pour nous et pour tout l'univers. L'une de ses stratégies dans ce domaine est de nous amener à ne pas être satisfait de comment Dieu nous a fait. Il nous suggère « Tu es très gras et laid. Tu es stupide, maladroit et moche. Tu es un garçon, mais tu as un fantastique look de fille sexy. » Dans tout cela, le seul message que Satan fait passer pour nous séduire, pour nous faire dévier, pour nous détruire, est « Mais Dieu t'a abîmé, il t'a mal créé, il ne t'a pas bien positionné. Ta destinée est compromise tant que tu demeures ainsi. Dieu s'est trompé en te faisant ainsi. Laisse-moi te réparer, te recréer, te refaire à mon image. Mais à cet effet, Jésus intercède pour tous ceux qui entreprennent de renoncer à eux-mêmes, porter leur croix et le suivre du ciel. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Père, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leur parole, afin que tout ce soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Une fois que nous renonçons à nous-mêmes, que nous portons nos croix respectives pour ne suivre que le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre seul Sauveur et Seigneur, toutes nos limitations humaines sont assujetties et ne peuvent plus interférer avec le plan divin dans nos vies pendant que nous l'honorons, le glorifions, l'adorons et le servons lui seul. Dans Genèse 18, l'Éternel dit à Abraham, au verset 20, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. » Et dans Genèse 19, nous voyons les deux anges que Dieu envoie à Sodome et Gomorre. Mais pendant que les anges arrivent chez Lot qui les reçoit et les héberge, les populations de Sodome et Gomorre viennent dans la maison de Lot pour se saisir de ces deux anges déguisés en hommes afin d'avoir des relations sexuelles avec eux. En plus des autres abominations, le péché d'homosexualité était la racine pivotante de tous les autres péchés de Sodome et de Gomorre. Et c'est de là que vient le mot sodomie, qui est l'expression sexuelle entre deux hommes par la voie anale. Terrible. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Dieu. L'Éternel nous a envoyés pour détruire Sodome et Gomorre. » Si vous ne voulez pas que Dieu vous détruise comme il a détruit Sodome et Gomorre, répentez-vous, abandonnez l'homosexualité et les mariages gays, et croyez de tout votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Faites de lui votre seul sauveur et votre seul Seigneur, et vous ne serez jamais plus détruit par Dieu. Le prophète de Dieu Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel 16, au verset 49, « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Tous les gays sont orgueilleux. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Cher ami qui m'écoute, veux-tu que Dieu te fasse disparaître quand il voit ces abominations d'homosexualité et de mariage de gays dans ta vie? Ne sois pas insensé. Pendant que tu écoutes ce message, répands-toi. Crois à l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ pour toi sur la croix. De même, Jude enfonce le clou, verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impuricité et à des vices contre nature. L'homosexualité et le lesbianisme sont des vices contre nature. Ils sont donc donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité divine et injurient les gloires. Aïe, aïe, aïe. Alors, un chrétien doit-il participer ou assister à un mariage gay où il est invité? Lisons Matthieu 9 à partir du verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus ayant entendu, dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Parce que Jésus hait l'homosexualité, mais qu'il aime les homosexuels dans le seul but de les sauver. Moi, à Bangonana, j'aime aussi les homosexuels et je suis prêt comme Paul à les fréquenter afin de pouvoir les ramener à Christ, mais pas pour célébrer avec eux leur consécration ou leur mariage homosexuel. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. » Donc, si des amis homosexuels m'invitent à leur mariage, cela signifie qu'ils me connaissent très bien et que toute leur vie avant leur mariage, je me suis fait tout pour eux afin de pouvoir les gagner à Christ. Mais ils ont librement refusé et rejeté Christ. Alors, je ne peux pas assister, ni les encourager, ni leur envoyer des fleurs, ni des cadeaux, ou un certain soutien moral quelconque à leur mariage qui est la gloire du mensonge et non de la vérité, la gloire des ténèbres et non de la lumière. Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas assister à un mariage gay, sauf en tant que journaliste ou investigateur, parce que ce n'est pas un mariage selon Dieu. C'est comme si, bientôt, des amis m'invitaient à assister à un mariage entre l'un d'eux et un chimpanzé. Ne rions pas. Cela va aussi bientôt se manifester à l'échelle mondiale. Le mariage qui doit donc être honoré par tous est celui que Dieu lui-même a institué à Éden entre un homme et une femme, et non celui gay qui le déshonore et pervertit sa signification et sa raison d'être. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Notons bien que c'est Dieu seul qui jugera les impudiques et les idolâtres. C'est Dieu seul qui jugera les mouvements gays et leur multiple cours suprême dans le monde. Mais ce n'est pas l'inverse qui aura lieu. Ce ne sont pas les mouvements gays et leur cours suprême dans le monde qui jugeront Dieu et les suiveurs de Dieu. Le mariage entre un homme non chrétien et une femme non chrétienne est encore un mariage aux yeux de Dieu, parce qu'il est conforme à Genèse 2, verset 24, qui dit que l'homme, un mâle, s'attachera à sa femme, une femelle, et les deux deviendront une seule chair. Même comme ce mariage ne garantit pas les projets de paix, de bonheur et de prospérité de ce couple et de cette famille, car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Même le mariage entre un chrétien et un non-chrétien est encore valide aux yeux de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens 7, verset 12, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, la même chose est faite pour les hommes. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Mais Dieu commande à ses enfants d'éviter ce genre de mariage, parce que nous ne devons pas nous mettre avec des infidèles sous un joug étranger, ou qu'elle parle à le fidèle avec l'infidèle. Le bon exemple est celui du roi Salomon. Dans 1 Roi 11, à partir du verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Verset 11, « Et l'Éternel fut irrité contre Salomon, et il dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Aux yeux de Dieu, le mariage selon le monde et son prince, appelé mariage gay, n'en est pas un aux yeux de Dieu. Le mariage que Dieu a institué et ordonné est celui entre un homme et une femme. Dieu ne peut donc pas bénir ce qu'il n'approuve pas, ce qu'il ne l'honore pas et ce qu'il le désapprouve. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Point. Signé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Méfions-nous de communier avec les homosexuels de peur d'être aussi contaminés par leur corruption. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne participons pas et n'assistons pas au mariage gay, mais dans l'amour, la compassion, la piété et l'intercession à Dieu en leur faveur pour qu'ils se repentent. Parce que Dieu nous interdit de participer au péché d'autrui. Nous devons nous conserver purs. 1 Timothée 5, verset 22. Si nous ne pouvons pas encore ouvertement demander aux autorités gouvernementales de légaliser les tueries, les meurtres, les consommations des stupéfiants, la pédophilie, l'adultère, l'inceste, le terrorisme, la magie, la sorcellerie, le vol, le grand banditisme, pourquoi donc nous acharnons-nous bec et ongles et à coups de milliards de dollars et d'euros pour corrompre et pour faire des pressions démoniaques au gouvernement des nations sous couvert des multiples cercles occultes et sataniques à légaliser l'homosexualité, le lesbianisme et le mariage gay, et pour bientôt le mariage entre les humains et les animaux. Alors, chers amis homosexuels et sponsors de l'homosexualité, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Faites-moi grâce pour les droits d'auteur. Même comme la Bible est foncièrement contre l'homosexualité et la condamne, elle ne nous instruit pas à haïr les homosexuels. Nous devons haïr l'homosexualité et non les homosexuels eux-mêmes, qui ont plutôt besoin de notre compassion et de notre amour. Dieu est amour. L'attraction sexuelle entre les personnes de même sexe est l'attraction sexuelle d'un homme envers un autre homme ou d'une femme envers une autre femme. Il s'agit de l'attraction homosexuelle ou lesbienne. Mais qu'une attraction physique soit vers une personne de même sexe ou vers une personne de sexe opposé, la parole de Dieu dit la même chose dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Une fois en Christ, un meurtrier comme Saul de Tarse, avant sa conversion à Christ, est pardonné, justifié et rendu conforme à l'image de Christ. De même, plusieurs anciens homosexuels se sont convertis à Christ en écoutant et en croyant à l'évangile de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. S'ils ne veulent pas finir dans les temps ardents de feu et de soufre que Dieu a préparé pour Satan et ses démons, et non pour eux, que tous mes amis homosexuels, lesbiens et leurs sponsors sachent et soient désormais conscients de ce qui suit. Le royaume de Dieu est peuplé d'anciens pécheurs repentants et convertis. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chers amis, en matière d'homosexualité, de lesbianisme et de mariage gay, ou nous sommes contre la vérité divine et nous nous vautrons dans cette boue, ou alors nous sommes dans la vérité divine et nous nous éloignons de cette boue nauséabonde. Il n'y a pas de zone neutre, comme le disait Jésus, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dans la vie, il n'y a que deux portes, la bonne et la mauvaise. Il n'y a que deux chemins, le bon et le mauvais. Il n'y a pas une troisième porte, ni un troisième chemin. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Jésus est la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. L'idée donc qui consiste à dire que l'Église de Jésus-Christ ne doit pas se positionner en Christ et s'élever contre l'abomination gay n'est qu'un dribble de l'ennemi pour nous amener à retenir la vérité captive. Mais la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, dans ce monde séculier, occulte et non chrétien, les homosexuels, les lesbiennes et le mariage gay se donneront tous les droits qu'ils veulent. C'est leur temps, comme le disait Jésus dans Jean 14, verset 30 et 31. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. C'est leur temps avant leur destruction, s'ils ne se convertissent pas à Christ pour fuir la colère de Dieu qui vient bientôt. 2 Timothée 3, verset 1 à 7. Il y a des temps difficiles, Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de cet homme-là. Ne communions pas avec nos amis gays, homosexuels, mais éloignons-nous de leur façon de faire. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que nous soyons des homosexuels ou pas, des chrétiens ou pas, que chacun de nous sache qu'il rendra bientôt compte au Seigneur Jésus-Christ pour lui-même. Romains 14, verset 12. Alors, pour terminer, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Alors, préparons-nous donc à nous tenir devant la barre du tribunal divin qui jugera et condamnera toutes nos cours suprêmes antichrist, dont Satan en personne est le bâtonnier en chef. Amos 4, verset 11. Dieu parle, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que j'ai détruit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je vous traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chers amis qui m'écoutez, que vous soyez homosexuel ou pas, préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Et c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu puissant. Mais pendant que vous écoutez encore ce message, Jésus vous appelle à lui afin qu'il vous délivre de la colère à venir. Oui, Jésus dit dans Jean 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Mais si une autre vie en son nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Il ajoute dans Luc 9 au verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Il ajoute dans Jean 5 verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, comme vous l'écoutez en ce moment, chers amis homosexuels ou pas, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, chers amis, le voulez-vous de tout votre cœur et sans aucune contrainte? Si votre réponse est oui, baissez votre tête et priez avec moi. Dites seulement de tout votre cœur, Père Céleste, je te dis merci pour ce message à travers lequel tu viens de m'interpeller et de me saisir. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je crois que tu m'as tant aimé que tu as envoyé ton fils unique il y a de cela 2000 ans pour me sauver et pour faire de moi ton enfant comme lui. Dès maintenant, je me repens de tous mes péchés. Je renonce à moi-même. Je me charge de ma croix pour ne suivre que le Seigneur Jésus-Christ, que je confesse désormais en tant que mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu dans ma vie. Je reçois ton esprit que tu me donnes, ton esprit qui m'instruira désormais, qui me fortifiera et qui me conduira dans la seule voie qui te glorifie et que je dois suivre. Je crois que je suis désormais une nouvelle créature. Mon iniquité est expiée, mes péchés sont pardonnés. J'appartiens à Jésus. Je suis désormais participant de la nature divine. Amen. Chers amis, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, c'est une grande fête au ciel. Et je vous adresse mes félicitations. Si nous ne nous voyons pas dans ce siècle, nous nous verrons bientôt au son de la trompette, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher, afin que nous soyons un avec lui et pour toujours. En attendant, cherchez une église où la Bible, la parole de Dieu, est la seule autorité. Soyez membre de cette église. Que toutes les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et d'Israël soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.